Cependant, le samedi soir 21 décembre, les cinq collègues gentlemen étaient réunis depuis 9 heures dans le grand salon du Reform Club. 8h44, dit John Sullivan. Plus qu'une minute, et le pari était gagné. Il comptait les secondes. À la 55e seconde, la porte du salon s'ouvrit. « Me voici, messieurs !» disait Fogg. Oui, Phileas Fogg en personne.